Salut à tous, c'est Eric, bienvenue dans cette saga des Fab Four numéro 448, version confinée. Oui. Et cette émission, vous allez la retrouver de 20h jusqu'à 22h sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four. L'émission, évidemment, a commencé à 22h02. Pour rendre hommage à tous les soignants, vous avez pu les applaudir sur le balcon, donc on se retrouve juste après, ce qui est bien normal pour les remercier. Et non, ce n'est pas Thierry qui va vous présenter cette émission ce soir. Je serai votre serviteur pendant ces 2 heures. Thierry m'a demandé de faire cette émission à sa place, car il n'arrivait pas à envoyer le podcast sur le net. Et donc, du coup, hein, sans lui dire, j'en profite pour changer l'album de la semaine, qui est l'album de Yoko Ono, et qui s'intitule Season of Glass. Season of Glass est le 6e album de solo de Yoko Ono. Il est paru le 8 juin 1981 en Angleterre et le 12 juin 1981 aux États-Unis. Il est le premier de l'artiste japonaise à être publié après l'assassinat de John Lennon. Enregistré avec les mêmes musiciens que Double Fantasy, cet album se veut plus rageur que ses précédents, Yoko se livrant sur son travail de deuil avec des chansons composées de mélodies pop sophistiquées. On va retrouver parmi tous ces titres Goodbye Sadness, Mind Weaver, Even When You're Far Away, Nobody Sees Me Like You Do, Turn Off The Wheel et Dogtown. Et encore, on va retrouver aussi le 7e titre, Silver Horse. On va retrouver également Paul McCartney, bien entendu, avec le titre The Lovely Linda, That Would Be Something sur McCartney en 1970. George Harrison avec If Not For You sur l'album All Things Must Pass aussi en 1970. Ringo Starr avec Early en 1970, en single en 1971. Et on n'oubliera pas aussi les Beatles avec Here Comes the Sun, tiré évidemment de l'album Abbey Road de 1969. Parlez-en autour de vous de cette émission, la saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h jusqu'à 22h. On attaque tout de suite avec le premier titre de l'album de la semaine, Season of Glass. Voici le titre Goodbye Sadness de Yoko Ono. Bonne soirée à toutes et à tous. Goodbye, goodbye, I don't need you anymore. I wet my pillow every night, but now I saw the light. Goodbye, goodbye, sadness, I don't need you. Goodbye, goodbye, sadness. I can't take it anymore. Non, non, non, non, stop! Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, tu me demandes d'animer l'émission à ta place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Non, non, non, non, c'est pas l'album de la semaine, c'est pas ce que je t'ai demandé. Bah non, non, ça me plaisait pas, ton album de la semaine. Non, non, ça me plaisait pas. Bon, ok, hey, t'es là à présent, maintenant, allez, prends. Prends, je te laisse les rênes. Allez, ciao. C'est ça. Bah, ok. Merci, Eric. Merde, on veut rendre service, et puis voilà. Merci, Eric. Je te rends service, moi. Bah, ok. Ah. Bien. C'était donc une blague. Merci Eric pour ta complicité depuis des années. On voulait vous faire ça à la radio le 1er avril, parce que nous sommes le 1er avril, et puis finalement, ça s'est passé autrement. Ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'il a fallu se transmettre les idées par téléphone, se transmettre les voix par fichier, et arriver à mélanger tout ça pour faire quelque chose d'à peu près correct. C'est donc la seule et unique fois que vous pourrez entendre du Yoko Ono dans la saga des Fab Four. Je ne recommencerai pas l'année prochaine. C'était une idée comme ça, histoire de marquer le coup. Et bon, allez, on revient donc à la saga, on va dire, normale, la 448C. L'album de la semaine, c'est bien ce que vous avez dit, Eric. C'est l'album McCartney, et non pas l'autre. L'album McCartney de 1970, on écoutera The Lovely Linda, couplé avec That Would Be Something, puisque la première chanson est un peu trop courte, à mon avis. Il y aura... Oups, j'ai donné un coup de pied dans le micro, mais c'est pas grave. Il y aura Every Night, il y aura Teddy Boy, Maybe I'm Amazed, ou You, et on terminera par Junk. Pour le Lennon, Harrison, Starr et les Beatles, c'est comme il avait dit. Il y aura Give Peace a Chance, le single de 1969. Pour Harrison, ce sera If Not For You, créé par Bob Dylan et chanté et donné à son ami George Harrison sur All Things Must Pass en 70 aussi. Ringo Starr nous chantera Early 1970, qui est un single sorti le temps de le faire en 1971. Et pour les Beatles, ce sera Here Comes the Sun. Pour le reste, on se retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. J'espère que vous n'avez pas ouvert ce podcast avant, parce que sinon l'effet de surprise sera perdu. Et donc tout ça n'était qu'une blague. Merci à vous tous et toutes. Et La Saga reprend son cours tout à fait normalement. A tout de suite. Avant la séparation des Beatles, deux daubes de John Lennon en compagnie de Yoko, une daube de George Harrison, Electronic Sounds, inécoutable, et puis le premier opus post-Beatles, d'ailleurs c'est lui qui donne le top de la séparation, s'appelle McCartney. Et ce sont des véritables nouvelles chansons comparables au travail habituel des Beatles.

À sa façon, Ringo fait le bilan des Beatles. Il dit, lui, lorsqu'il vient en ville, j'aimerais bien... Il est marié depuis pas longtemps. Lorsqu'il vient en ville, j'aimerais bien qu'il joue avec moi. Il parle de Paul. Ensuite, il dit, il est avec sa maman, qui est japonaise. Il consomme peut-être de la cocaïne. Et je sais que s'il vient en ville, il jouera avec moi. Il parle de John. Ensuite, il dit... Il voudrait être dans son château avec plein des hectares de forêt, etc. Seulement, il les voit jamais, ces hectares de forêt, parce qu'il est toujours en ville à jouer avec moi. Puis il parle de lui-même, Ringo. Il dit « Je sais jouer de la guitare, mais que si c'est en ABC, là, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas jouer de la basse, c'est trop dur pour moi. » Et on entend « Doum, doum, doum, doum, doum, une petite gamme tranquille. « Je joue du piano si c'est en C. » Donc, les musiciens, vous traduirez. Et puis, il finit en disant « Et moi, quand je vais en ville, je veux les voir tous les trois. Je veux jouer avec eux tous les trois. » Voilà. Donc, c'est une petite façon de dire « Allez, vous êtes des potes, venez, revenez, jouez avec moi. » Voilà. Et c'est une belle chanson, j'aime bien. Early 1970s, qui, paradoxalement, le temps de l'enregistrer et le temps de le sortir, est sorti en single en 1971. Nous avons parlé de Paul McCartney, de John Lennon, de George Harrison et de Ringo Starr. Il faut donc parler des Beatles. Et si on parle des Beatles, on parle du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. C'est celui de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga des Fab Four. Here comes the sun, I say, it's all right. Seems like years since it's been gone. Here Comes the Sun en 1969 sur l'album Abbey Road. Que dire de cette chanson ? Eh bien, George Harrison tutoie les sommets. Il est aussi fort que McCartney ou Lennon, parce que cette chanson-là est vraiment, vraiment au top. Et puisqu'on a parlé de McCartney, on revient à l'album de la semaine, qui est en réalité McCartney, vous l'avez compris. L'album sorti en 1970, les 50 ans déjà. Et ce titre, Every Night, sur RIG si vous voulez, mais dans la saga des Fab Four, confinée, saga numéro 448C. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. The incredible magical mystery tour. The magical mystery. Let's go. Back. Ce qu'on veut, mais il a dû créer des sueurs froides à George Martin, ce titre, parce qu'arriver à combiner toutes les idées que Lennon avait en tête pour cette chanson-là, cette chanson absolument géniale, I Am The Walrus, c'est vraiment quelque chose de très, très, très, très bien. Chapeau pour la réalisation, en tout cas, chapeau pour la chanson, chapeau pour tout, en fait. Merci, les gars. Et auparavant, vous aviez eu Magical Mystery Tour dans la version du film, un petit peu différente de la version du disque. J'espère que tout se passe bien pour vous. On continue à commenter sur le groupe Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. Parlez-en autour de vous, cette émission en temps normal est émise sur 90.7 dans la région de Bordeaux, 90.7 FM, et puis pour tout le reste du monde, sur www.rigfm.fr. Voilà. Je vais faire une petite exception parce qu'après tout, on est en saga confinée, donc je peux me permettre quelques petites exceptions. J'avais envie de rendre hommage à George Martin avec ce titre qui date du dessin animé Yellow Submarine. Il l'a fait la face B, George Martin, tout seul. Et ce morceau qui fait, enfin que j'aime beaucoup, ça s'appelle Paperland, c'est signé George Martin, ça méritait d'être une fois au moins dans la saga des Fab Four, écoutez. I hear them gossip on the street. Most of what they say is true. Snookeroo, c'est mon nom. C'était en 1974. Vous savez, la fameuse année où Elton John a permis à John Lennon de revoir Yoko Ono et il avait participé, Elton John, à une chanson « Whatever Gets You Through the Night » sur l'album de John Lennon. Et bien là, vous avez peut-être reconnu le coup de piano d'Elton John parce qu'il est sur cette chanson « Snookeroo ». D'ailleurs, c'est lui qui l'a créé, il me semble bien. Après que je regarde la pochette, je ne l'ai pas sur moi. Mais voilà. Voilà, Elton John était super puissant en ce moment-là, et tout ce qu'il faisait, ce chant en or, en 74, cette chanson est très très bonne, et elle est de Ringo Starr, elle est chantée par Ringo Starr, c'est ce que je voulais dire. On revient à l'album de la semaine, on vous a dit que certaines chansons avaient été faites du temps des Beatles et qu'elles avaient été mises de côté. En voici une par exemple, c'est Teddy Boy sur l'album McCartney en 1970. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, "Mama, don't worry, now Teddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through." Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Couldn't stand to see his mother-in-law with another man he didn't know, oh no. He found a place where he could settle down, and from time to time in his head he said, "Mommy, don't worry, now Teddy Boy's here, taking good care of you. Mommy, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through." She said, "Teddy, don't worry, now mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your mommy is here, mommy's gonna see you through." This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. C'est d'une saga enregistrée à la maison que vous entendez au moment où vous l'avez téléchargée. Comment voulez-vous que je vous le dise autrement ? C'est une saga confinée, la 448e, 448C. Et l'album de la semaine, c'est McCartney, tout simplement. En 1970, cette émission existe depuis 1984. C'était seulement 14 ans après la séparation et maintenant, on en est à 50 ans après la séparation. Ça me paraît dingue quelquefois quand je me rends compte de ces chiffres-là. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Et dire que, quand j'ai commencé, j'amenais deux bacs de disques, j'avais même pas la totalité de ma collection, et j'essayais de faire ce que je pouvais. Et maintenant, ben voilà, j'enregistre à la maison aujourd'hui, parce qu'on est confiné. Et ben, c'est bien, tant mieux, vive le progrès, j'aime bien, mais j'aimerais bien être moins confiné, quoi, ce serait mieux. Je préférerais être en direct avec vous. Je vous propose deux versions de la même chanson. Une version qui est sur l'anthologie The Lost Weekend, anthologie 3, parue en 98 de John Lennon, et ensuite la version qui apparaît sur l'album Walls and Bridge en 74. Il s'agit de la chanson What You Got. Vous allez voir que, bon, la première ne dure pas très très longtemps, mais on peut vraiment faire des chansons rapides ou lentes, tout dépend de l'humeur du moment. C'est la même chanson, mais c'est chanté complètement différemment. Écoutez. You don't know what you've got until you lose it. You don't know what you've got until you lose it. You don't know what you've got until you lose it. Baby, baby, baby, give me one more chance. You gave me the world. I threw it away to know a real life. I come every day, baby, baby, baby. Put away a real live one. Don't come every day. So baby, baby, baby, give me one more chance. À dire quand Lennon hurle, j'adore. Quelle voix, comme on dit sur Facebook. Quelle voix, quel timbre. Il est fait pour le rock'n'roll, John Lennon. C'était en 1974. Où en sommes-nous ? Oh, les Beatles. Les Beatles par deux fois avec un titre très ancien, mais qui sera chanté en 1969. C'est un petit cadeau que je vous offre. Et ensuite, Ain't She Sweet, un titre encore plus ancien que vous retrouvez sur Anthology One. Donc, voici You Can Do That, mais qu'ils ont fait alors qu'ils étaient en train d'enregistrer le film Let It Be, qui devait s'appeler Get Back au départ. Écoutez. Marquez des pauses de temps à autre. Oh!

Ah, ce John Lennon qui hurle en 75 « Ain't That a Shame » sur le très bon album « Rock and Roll ». Nous revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est McCartney, sorti en 1970. Et ce titre qu'il chante toujours, et je dois avouer que ces temps-ci, avec la voix âgée qu'il a, ça me fait mal de l'entendre. Mais à l'époque, en 70, jusqu'au début des années 2000, c'était absolument merveilleux d'entendre « Maybe I'm Amazed ». La saga 448 C que vous écoutez, c'est pour confiner. Je l'enregistre à la maison, un jour, et vous l'écoutez, en principe, le mercredi soir, pour qu'on puisse la commenter ensemble sur le groupe Facebook de l'émission, le groupe La Saga des Fab Four. Nous en arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou après les Beatles, même si eux-mêmes, les Beatles, nos quatre amis, chanter déjà une cover, genre une cover de Little Richard, quelque chose comme ça. Celle d'aujourd'hui, eh bien, il y a de l'ADN Beatles dedans, oui, parce qu'il s'agit des Cure et de James McCartney, le fils de Paul McCartney, qui nous chante leur version de Hello, Goodbye, c'était en 2014. You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, and I say hello. Famille McCartney, je demande le père. J'ai, voici, Despite Repeated Warnings sur l'album Egypt Station. C'est plus que jamais le moment de passer cette chanson. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening. What's been said? It feels that there's a good chance that we've been misled, and so the captain's planning to steal despite repeated warnings from those who ought to know. Well, he's got his own agenda, and so he'll go. Those who shout the loudest may not always be the smartest, but they have their proudest moments right before they fall. Red sky in the morning doesn't ever seem to face him, but a sailor's warning signal should concern us all. Whoa. Like a Ouais, une version un petit peu différente de celle que vous pouvez connaître en écoutant l'album Milk and Honey, sorti en 1984. Cette chanson-là, qui s'appelle donc I Don't Wanna Face It, John Lennon, est sortie sur l'anthologie de John Lennon, sortie en 1998. Revenons une fois encore à l'album de la semaine avec ce titre. Ooh, you. On aurait pu traduire ça par « Oh, toi ». C'est Paul McCartney sur l'album Paul McCartney. C'est pas foulé sur le truc. Il s'appelle McCartney d'ailleurs l'album, pas Paul McCartney. More guitar. Talk like fait tout seul à la maison, hein, Monsieur McCartney, sur l'album McCartney en 1970. Je vous propose George Harrison. George Harrison, c'est en 1989 qu'il nous publie un deuxième best-of. L'album s'appelle Best of Dark Horse 1976-1989. Et c'est sorti en 1989. Pourquoi 1976 ? Parce que c'est le moment où il a été libéré de la maison Apple. Il n'avait plus contractuellement le besoin de sortir un album sous le titre Apple. Et il avait fondé sa propre maison de disques qui s'appelle Dark Horse. Donc voilà. Et il a fait quand même trois inédits. Alors pas tout à fait. Cocamami Business, qu'on va entendre dans quelques instants. Celui-là, je crois, est totalement inédit. Mais il y avait un autre titre qui figure sur un album de L'Arme Fatale, vous savez, le film L'Arme Fatale, sur une bande originale du film L'Arme Fatale, voilà. Mais celle-ci, par contre, donc, si vous n'achetiez pas l'album, si vous n'achetiez pas le best-of, eh bien, vous n'aviez pas Cocamami Business sur RIG, oui, dans la saga des Fab Four 448C, c'est pour confiner. Chops on Neil Pine Island, paid my dues at the Marquee. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on it, Sullivan, broke my heart. Thank you.

franchement, c'est super sympa cette chanson de Ringo Starr, Wrong All The Time, sur l'album Choose Love en 2005. Franchement, j'aime bien la voix de Ringo Starr lorsqu'il est en slow, comme ça, tranquille, et puis c'est... Bon, enfin... C'est la saga des Fab Four que vous écoutez, la saga numéro 448C pour confiner, que j'enregistre à la maison à un moment donné du confinement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Voici une chanson que j'adore, vous le savez, mais dans une version différente. C'est la prise 27 et c'est la troisième version. While My Guitar Gently Whips, George Harrison, qui décidément avec cette chanson avait touché le gros lot. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a Smokey, and I just. Ah! encore un petit tour du côté de l'album de la semaine? Allez, on se le fait. Voici Junk sur R.I.G. dans la saga des Fab Four. Bicycles for two, broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. D'accord, hein, lorsque le confinement sera terminé, vous revenez sur RIG 90.7 si vous êtes dans le coin de Bordeaux et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde. Du monde, oui, parce que nous sommes écoutés relativement mondialement. Il y a des personnes qui m'écoutent aux États-Unis, un autre, je le sais, parce que je converse avec lui de temps à autre, au Japon. Et donc j'espère que tout le monde va bien, qu'on l'aura, cette saloperie de virus. Et que j'arrêterai d'enregistrer mes émissions à la maison parce que je préfère les faire en direct, c'est mieux. Je vous propose, et après je vous ferai un petit cadeau, je vous propose comme tout à l'heure deux versions de la même chanson. La version, on va dire, on répète, voilà, la version de répète, et puis la version finale. Il s'agit de I'm Only Sleeping. La première version, celle de répétition, vous la retrouvez sur l'anthologie 2, parue en 1996. Et I'm Only Sleeping, forcément, c'est sur Revolver en 1966. La voici. Et après, il y aura un cadeau. C'est bon, vous êtes prêts les gars? On y va? Allez, voici la version finale. I'm only sleeping. Float upstream, keep them waiting, oh yeah. Légèrement différente de celle que vous pouvez connaître, c'est extrait des sessions de l'album Back to the Egg. My friend came to me, sadness in his eyes, told me that he wanted help before his country dies. Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Help us save some lives. Bangladesh, we'll be right back. I got to give me back to you somehow. I never knew that life was loading. I'd only hung forever to please. I never knew that things exploding. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life, looking for my life. I've been through, oh love, I feel so stuck that I can't get to you. I had no idea that I was ready to order a state of emergency. I had no fear where I was stranded. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life. Caught up on me with intensity. I had no idea where I was heading. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life, looking for my life. Idea what I've been through, oh love, I got to get back somehow to you. I never knew that life was loaded, I'd only hung around birds and bees. I never knew that things exploded. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life. I never got any GCPs. I never knew that things exploded. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life, looking for my life, looking for my life, looking for my life. Allez, un troisième George Harrison, parce que c'est vous. If You Believe, dans la saga des Fab Four.

but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ah, toute bonne chose a une fin, donc la voici la fin. Merci d'avoir écouté cette saga numéro 448 C pour confiner. C'est une saga enregistrée à la maison, la troisième déjà. Et j'espère vous revoir déjà bientôt sur 90.7 pour les Bordelais et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde. Et vous revoir même bientôt en général au concert de McCartney et tout ça. J'espère qu'on va bientôt sortir de là. Merci à tous et à toutes d'être restés, d'avoir écouté ce podcast. Parlez-en autour de vous, la saga des Fab Four, ça existe depuis 1984. And remember, nothing stops the Beatles. Bye.